moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il est parfois bon de s'arrêter de marcher pour réfléchir à l'avenir de l'humanité, comme de se retourner pour observer dans un long filum notre lointain passé, l'origine comme la destinée de l'homme. Peut-être était-ce au petit matin, juché sous le porche d'une cavité dominant la vallée du Rhône, sentant probablement ses dernières forces partir vers d'autres cieux, a-t-il décidé de s'arrêter, de ne plus marcher? S'agissait-il d'un choix, d'une nécessité, ses dernières volontés? Nul ne le saura, mais rien ne nous empêche d'y rêver. J'accepte de mourir, mais avec un minimum d'effort. Alors je vais donc rester ici, fumer mes dernières cigarettes et attendre. Je vous laisse le soin de ramper à quatre pattes dans le sable, la langue dehors. Moi, les mouches me trouveront assis. Eh ben allez, mes braves. Moi, je vais mourir pour la fécondation du désert. Demain, sur les tombeaux, les blés sont plus beaux, comme dit le poète. J'en sais qu'était un nom, ça va devenir une marque. Une marque d'engrais. Le colonialisme est en pleine évolution. Et c'est un commando. Commando des orateurs, oui. Allez, tu viens, moi, ils me font chier. Dudu ! Merde ! Dudu ! Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. C'est bien de l'homme de Néandertal dont nous allons parler, Ludovic Slimak. Bonsoir. Bonsoir, Vincent Charpentier. Peut-être intellectuel, mais assurément tous deux assis, pour mieux évoquer cette brute marcheuse qui s'est arrêtée pour mourir dans la grotte Mandrin, celle-là même qui s'ouvre sur la vallée du Rhône et que vous fouillez depuis des décennies. Cette brute qui fait l'objet de votre nouveau livre, qui vient de paraître chez Odile Jacob, Le dernier néandertalien. Pour reprendre le titre de cette émission empruntée à Michel Audiard, sous la voix de Maurice Biro dans un taxi pour Tobrouk, une chose est sûre, l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os, car il ne nous a pas laissé beaucoup d'informations. Il nous le met dans l'os, oui, je sais pas si on oserait dire ça encore aujourd'hui, c'est formidable Audiard. Et effectivement, Néandertal, on en a fait beaucoup de choses, je sais pas si on en a fait de l'engrais, mais ce dont on parle et ce sur quoi on enquête finalement depuis des dizaines d'années, depuis que Sapiens est confronté à Néandertal, finalement, ce dont on parle, c'est de Sapiens. Et c'est ce tour de force presque impossible, en fait, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'a pu être une autre humanité, comment est-ce qu'elle s'inscrivait dans le monde, et systématiquement, on s'est mis au centre et on en a fait quelque chose d'inférieur ou d'égal ou de supérieur, et on a tourné autour du pot, et ce qu'on a mis en évidence, c'était pas Néandertal, c'était Sapiens, on est dans un dédale Sapiens, et finalement on n'a pas encore les mots pour parler de Néandertal. Néandertal a tout à la fois été une brute bestiale, un être inférieur, n'ayant pas évolué et disparaissant face à nous. On l'a vu ensuite se transformer en une sorte d'humaniste, en symbiose avec la nature. Tout cela nous en apprend plus sur les archéologues que sur Néandertal lui-même. Oui, vous savez, se confronter à l'altérité, c'est quelque chose de choquant. Et en réalité, s'il était encore là, ça serait à nos yeux certainement un sale type. Mais la question n'est pas tant de savoir si de mettre de la morale, s'il était bon ou mauvais ou je ne sais quoi, mais vraiment d'essayer de gratter gratter la surface, de voir ce que, de manière sous-jacente, il fut. Donc là, ce livre-là, Le dernier néandertalien, va s'interroger à l'extinction néandertalienne et à l'extinction des humanités, et répond au livre précédent, Néandertal nu, où je définissais la créature humaine et je ne l'appelais pas humain, justement pour faire ce pas de côté et nous décrasser de nous-mêmes et essayer de le regarder crûment. Ludovic Slimak, une question qui devrait tarauder les archéologues est peut-être la plus simple. Néandertal pensait-il comme nous ? Probablement pas. Probablement pas. Pas, mais cette question que vous posez là, très simplement, finalement, on l'a jamais posée. On a posé effectivement des questions de mise en balance et on n'a jamais simplement posé cette question. Existait-il une éthologie néandertalienne ? Alors le mot paraît compliqué, l'éthologie c'est très simple, c'est la science du comportement. Et on comprend tous que les chats ne sont pas des chiens. Et la question c'est, est-ce que Néandertal comprenait-il le monde comme nous ? Et quand on dit ça, quand on le pose comme ça, d'un coup, il n'y a plus la question de supériorité ou d'égalité ou de je ne sais pas quoi. On n'est pas dans de la morale et on doit essayer de le regarder et de se dire mais comment est-ce qu'une humanité qui est séparée de nous-mêmes par un demi-million d'années, entre 300 000 et 500 000 ans d'évolution, dans des environnements radicalement différents des nôtres, de ceux de nos ancêtres, comment est-ce qu'ils auraient pu donner la même chose ? Et s'ils avaient donné la même chose, ce qui était un petit peu notre regard jusqu'à ces dernières années, ça revient à une forme de créationnisme 2.0. Et si on se dit, ben non, mais il y a pas de plan, il y a de la sélection, il a dû donner quelque chose qui lui était propre et qui doit être fascinant et qu'il faut interroger. La grotte Mandrin, nous en avions parlé, puisqu'elle signerait la première arrivée de l'homme moderne, nous, Sapiens Sapiens, en Europe occidentale, vers 54 000 ans, c'est bien ça ? Oui, ben là, il nous l'a mis dans l'os, parce que effectivement, en fait, on pensait, on voyait l'arrivée de Sapiens vers le 42e millénaire, un peu partout en Europe, et les travaux depuis un an et demi publié, mais c'est 30 ans de recherche derrière de la grotte Mandrin. Il y a eu 4 grands papiers qui sont sortis sur un an et demi, et ces fameux 2 livres qui font plus de 1000 pages de documentation et qui permettent aujourd'hui de réécrire et de proposer que ce qu'on a envisagé comme la première migration sapiens, en réalité, sur le continent européen, était très certainement la dernière phase migratoire de 3 grandes vagues de peuplement sur ce continent-là et qui était passée à l'as. Ça veut dire que l'aventure sera sans lendemain, puisque l'homme moderne, l'homme nous, ne semble pas s'enraciner en France ni en Europe à cette époque. Oui, mais c'est assez systématique, ces aventures sans lendemain. À chaque fois qu'on a eu des migrations et qu'on peut avoir des enregistrements un petit peu précis, que ce soit culturel ou biologique, génétique, on s'aperçoit qu'on a systématiquement des vagues de peuplement. Mais c'est vrai pour les hommes, mais c'est vrai pour les chevaux ou pour les bisons. Et on a des vagues de peuplement et des populations assez différentes qui vont s'installer en France et sur le continent européen au sens large. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'on a certainement raté 2 grandes vagues migratoires pour Sapiens, mais qu'on a aussi raté des choses assez intéressantes concernant les populations néandertaliennes. Alors le grand témoin, Sapiens Sapiens, c'est une petite dent que vous avez trouvée dans la grotte Mandrin et qui a fait beaucoup parler d'elle, bien sûr. C'était une... En pour et en... Oui, bien sûr, deux, hein. bien sûr. On remet pas 120 ans d'archéologie en cause sans en discuter posément. Et ce qui est important, c'est que bien plus qu'une dent, c'était des milliers d'objets, des dizaines de milliers d'objets qui venaient de la grotte Mandrin et qui venaient d'un autre site de l'est de la Méditerranée, sur les flancs du Mont Liban, qui s'appelle le Xarakil. Et quand en 2016, j'analyse les silex de ces 2 sites, donc qui sont séparés par quelque chose comme 3000 km sur les 2 berges de la Méditerranée, je réalise en 2016, dans les collection d'Harvard, que c'est exactement les mêmes technologies, les mêmes traditions, les mêmes savoir-faire. Et dès 2017, je publie en disant attention, attention, là-bas sur le Levant, on sait que c'est Homo sapiens et ça induit que dans la vallée du Rhône, ça doit être Sapiens. On est 5 ans avant la publication sur cette dent et personne, encore aucun anthropologue, n'a eu ces vestiges entre les mains. Et donc, je pose cette prédiction. Si on croit à l'analyse des systèmes techniques, si on croit à ce que peuvent nous révéler les traditions artisanales, alors ça va être Homo sapiens, et l'étude après biologique qui elle est venue par la suite est venue confirmer cela. Ludovic Slimak, aujourd'hui vous voyez, vous en parliez il y a quelques secondes, vous voyez 3 grandes phases successives de ces migrations de l'homme moderne. Quelles sont-elles ? Quelles sont les datations ? Alors, première phase de peuplement, on est aux alentours du 54e millénaire. Là, c'est des datations statistiques. En vérité, on est entre 52 000 et 57-58 000. Donc là, on a une marge. Enfin, on a un premier peuplement entre 50 et 60 000 qui ne doit pas affecter que la vallée du Rhône. Quand on se penche sur les données, on voit du côté de l'Europe centrale et de l'Europe orientale des données qui sont certainement antérieures à 50 000 et qui nous montrent des artisanats assez proches et qui doivent être ces premières phases de peuplement. Ensuite, on a la troisième phase. Donc, on va prendre les deux extrémités. C'est le plus facile. Donc, qui était, en fait, le peuplement aurignacien, qu'on appelle du début de l'aurignacien, le proto-aurignacien, qui, lui, avait été bien reconnu aux alentours du 42e millénaire. Et ce proto-aurignacien, on lui connaissait un équivalent levantin. Quand on a des choses en Europe, chez Sapiens, on a souvent des choses équivalentes du côté de l'est de la Méditerranée. Et depuis 20 ans, les collègues avaient pointé et avaient dit, ben, regardez, là, le proto-aurignacien, on a ses équivalents dans des industries qu'on appelait l'Earlier Marianne, et en particulier sur cette même séquence de Xarakil sur laquelle moi je voyais les mêmes choses qu'au 54e millénaire. Et quand j'ai ouvert mes tiroirs, j'ai bien reconnu ce que j'avais en vallée du Rhône au 54e millénaire, et quand j'ai ouvert les tiroirs qui devaient être l'aurignacien, le proto-aurignacien, j'ai dit mais c'est pas du tout ça. Et j'ai effectivement retrouvé ce fameux proto-aurignacien, mais 8 niveaux au-dessus. Et entre les deux, donc, on avait 8 niveaux archéologiques, des milliers d'objets. Et ouvrant les tiroirs, j'ai dit, mais je les connais, ces objets. Ça ressemblait terriblement à ce qu'on connaissait en Espagne et dans l'ouest et le nord de la France, d'une industrie qu'on appelle le Châtel Péronien, et qui est attribuée à Néandertal, aux alentours du 45e millénaire. Et ce sont les mêmes systèmes techniques, les mêmes artisanats, les mêmes objets. Et là, ça laisse entendre qu'en fait, on s'est peut-être planté sur qui étaient les derniers Néandertaliens et on est probablement face à une deuxième vague migratoire, elle aussi levantine. Reste Néandertal, un individu typiquement européen, enraciné en Europe, antérieur à l'arrivée de l'homme moderne et qui lui aussi a fréquenté la grotte Mandrin comme de très nombreuses grottes en Europe. Oui, en Europe et même en Eurasie. Il va très loin, il va jusqu'en Sibérie. J'en parlais à des collègues qui me disaient « Mais vous, tu sais, ça va peut-être beaucoup plus loin à l'Est. C'est l'endroit où on a retrouvé des ossements ou des petites traces d'ADN. Mais peut-être qu'il va jusqu'au Pacifique. » C'était en fait de très très vastes peuplements qui ne nous sont accessibles que très partiellement. Et par ailleurs, quand on fait un petit peu la focale derrière ce mot Néandertal, on s'aperçoit qu'il y a différentes réalités. Il y a des réalité culturelle, il n'y a pas une culture néandertalienne, il y a des centaines ou des milliers de cultures néandertaliennes, il y a une histoire, il y a des traditions, il y a des transmissions, et après au niveau biologique, ce qu'on met sous le mot néandertal regroupe certainement des réalités assez distinctes, et c'est là que les recherches de la grotte Mandrin vont nous amener à pointer du doigt des éléments insoupçonnés et qui vont nous permettre de repenser les derniers néandertaliens. Ce Néandertal, vous l'avez aussi trouvé en 2015, 5 dents apparaissant sous un coup de pinceau à l'extérieur de la grotte. À l'extérieur de la grotte, entre un chêne et un buis, à même le sol. C'est-à-dire effectivement sur le sol sur lequel on marchait littéralement, on a passé un coup de pinceau, sont sorties les feuilles, un petit peu de sable, apparaissent 5 dents. Vous pouvez perdre une dent de lait, vous pouvez perdre deux dents, mais vous pouvez pas perdre 5 dents qui apparaissent en connexion les unes à côté des autres. Et donc immédiatement, je gèle la zone et je dis, on a un souci. On a un souci puisque quand même des corps néandertaliens, un temps soit peu complet. Le dernier trouvé en France, c'était 1979. Et puis en 150 ans d'archéologie, on en a trouvé une quarantaine, pas plus. Où ça, en 79? C'était à Saint-Césaire. Bien sûr, Saint-Césaire. Et c'était aussi un néandertalien récent. Voilà, je dis aussi, mais en fait, l'enquête va commencer et pour nous, archéologues, la réponse était c'est certainement un des derniers néandertaliens. À la fin, on va trouver 31 dents. Hein. Donc, il est très, très complet à ce niveau-là. Et vous l'avez fouillé entièrement? On est qu'au début. Après 8 ans, on est au début de l'enquête. Il reste l'essentiel à sortir. On a la mandibule, les dents maxillaires, fragments de crâne, des phalanges de la main gauche. Et en fait, on a ouvert qu'un tout petit rectangle parce qu'on est dans du sable qu'on doit fouiller à la pince à épiler. Et donc, j'explique ça dans le dernier Néandertalien, c'est l'enquête du terrain et l'enquête avec les 45 chercheurs sur la Terre entière pour essayer de déterminer son âge et qui était cette population. S'agit-il d'une tombe ? L'individu de la grotte Mandrin aurait-il pu être enterré ? Peut-être pas, forcément. C'est toujours très difficile à déterminer. On peut déterminer aujourd'hui qu'il est dans une cuvette. Il a été déposé dans un creux et qu'il a très probablement été protégé. Sinon, on aurait eu un éparpillement de ces vestiges. Mais on voit des mouvements. Et ces mouvements, par exemple, les dents supérieures et les dents inférieures ne sont pas au même endroit. Il y a quelque chose comme 30 cm qui les sépare et qui laisse entendre qu'après la décomposition des chairs, la mandibule s'est séparée et le crâne a roulé. Et s'il a roulé... Ça, c'est fréquent. C'est fréquent quand on est effectivement dans un creux. Effectivement, quand on est dans une tombe gallo-romaine ou dans un cercueil, donc on est dans un vide. On peut être enterré, on peut être enseveli, mais il faut qu'il y ait un vide. Et s'il y a un vide et qu'on est protégé, là, on commence à avoir une vision assez intéressante des hommes et des femmes de son groupe qui ont pu protéger ce corps de certaines manières à l'entrée de la cavité. Mais là, on marche sur des œufs, hein. Et puis, il y a peut-être d'autres manières d'enterrer. Il y a plein de solutions aussi en anthropologie. Les solutions sont infinies. On peut donner les corps à manger aux animaux, aux oiseaux, les brûler, les dépecer, les manger, en extraire des parties après quelques années, le ressortir d'une cavité ou de terre après plusieurs années, le rhabiller, l'inviter à un repas, en récupérer les jus pour l'offrir à ses plus proches amis. Tout existe dans les traditions humaines. Et chez Néandertal aussi, on a très probablement ces complexités-là. Et dernièrement, des collègues en Afrique proposent qu'on ait des formes sépulcrales chez des formes humaines à tout petit cerveau qui ont plus de, certainement, entre 250 et 340 000 ans. C'est la grotte de Rising Star, c'est ça ? De Rising Star. Et là, on aurait déjà des formes, effectivement, même chez des humanités très divergentes de nous et avec des tout petits cerveaux. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Vous avez bien entendu lancé des analyses et les datations semblaient assez vite diverger. Et là, c'est là qu'on est heureux d'avoir trouvé ce néandertalien aujourd'hui et pas en 79 ou pas en 1912. Parce que d'abord, les dateurs, les meilleurs dateurs au monde nous ont dit il a 33 000 ans. Et là, j'avais pas de contexte et ça aurait été un des tout derniers néandertaliens et j'avais pas de contexte à 33 000. Énigme. Et puis après, on a réussi à extraire de l'ADN et les collègues de Copenhague qui ont fait cette prouesse. Ça faisait plus de 10 ans qu'on essayait d'extraire de l'ADN à mandrin et on n'avait rien. Et là, dès que c'est sorti du sol, il y avait un petit fragment d'une racine d'une dent qui était là et j'ai immédiatement envoyé à Copenhague pour pas que cet ADN qui pouvait être contenu dans ces vestiges se dégrade. Et là, ils ont immédiatement extrait et ils ont réussi à avoir des lectures. Et là, ils me disent « Ton néandertalien a 105 millénaires » et ils étaient sur deux. Alors, il n'y avait pas de position parcimonieuse entre 33 000 et 105 000. Et donc, on s'est tous mis autour de la table plutôt en visioconférence, puisque, en plus, nous est tombé le Covid au milieu de cette enquête. Ça a duré 7 ans de savoir qui de la génétique du carbone 14 ou de l'archéologie se plantait. On a fait énormément d'analyses. On a essayé de voir, tiens, s'il était il y a 105 000 ans, il faisait chaud. Alors, on a fait des analyses isotopiques, des ossements, et qui nous ont révélé qu'il était en contexte froid. Et puis qu'il avait certainement grandi dans cette région-là et pas dans des régions montagneuses. Et donc on se dit, mais alors s'il faisait froid il y a 105 000 ans, là on a un problème. Et finalement, c'est un collègue australien qui a réussi à dater directement ce vestige qui s'avère avoir exactement l'âge que nous disaient nos niveaux archéologiques, ce qui nous a pas étonné car à Mandrin, on a des dizaines de datations, 50 ou 60 datations, et toutes les dates sont absolument cohérentes dans chacun des niveaux. Donc on n'a pas de mouvement. Et donc quand on pose au départ un âge aux alentours du 45e millénaire, effectivement, c'est ce qui est sorti après à la suite des analyses. Reste que une énigme qui a laissé un petit peu sans voix les généticiens. Comment pouvait-il se planter et se planter sur des chronologies? On peut utiliser la génétique, oui, c'est ça. On passe de 45 000 à 105 000. Le saut est énorme et surtout, il ne voyait pas de solution. Et donc, il a fallu remouliner les tests statistiques dans lesquels ils ont réintégré tous les néandertaliens qu'on connaît, qui ont été séquencés. Et finalement, non pas en demandant quel est l'âge de ce néandertalien qu'on a appelé Thorin, mais en demandant, voilà, si je place Thorin, je dis qu'il a 45 45 à 50 000 ans, qu'est-ce que ça induit sur les autres Néandertaliens? Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'incohérent? Et là, après avoir mouliné cet énorme test statistique, ils ont réalisé qu'un ensemble de Néandertaliens avait été placé dans des chronologies anciennes de manière tout à fait erronée. Vous l'avez appelé Thorin? Thorin de Mandrin. Thorin de Mandrin, en hommage à Tolkien et à cette pensée du monde dans lequel il y a des consciences très très différentes qui vont des elfes aux humains en passant par les nains. Les populations néandertaliennes sont souvent très homogènes. Or, votre individu diverge totalement de ces groupes humains. Pourquoi? Que s'est-il passé? Oui, c'est pour ça qu'il pensait qu'il avait 105 000 ans. Il pensait que c'était une lignée ancienne. Et ce qui se passe pour l'instant, on ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette population est directement en lien avec d'autres populations qui avaient été repérées très anciennement, mais dont on avait réussi à extraire de l'ADN seulement il y a 2 ans et qui sont sur la pointe sud de l'Espagne, donc à l'extrémité, à la Punta de Europa, à Gibraltar. Et là, on a une connexion très très directe. Alors d'abord, on a travaux ont permis de repositionner ce Néandertalien de Gibraltar dans la même chronologie que Thorin. Donc on pensait qu'il avait 80 à 100 000 ans, il n'en a que 45 000. Et ce faisant, on voit qu'on a deux... Là, c'est une femme néandertalienne qui a été séquencée. Et quand je suis parti à Gibraltar, Clive Finlayson, donc le responsable des fouilles, s'est classé patrimoine mondial de l'humanité. C'est un site extraordinaire, léché par la Méditerranée directement. Et tous ces ensembles-là de Gibraltar. Et il m'a dit, mais tu sais, quand on abaisse le niveau de la mer, puisqu'on était dans des périodes glaciaires, on abaisse de 80 mètres la Méditerranée, on voit se dessiner un corridor qui va de Gibraltar à la vallée du Rhône. Extraordinaire. Donc c'est une même population. C'est une population qui est contemporaine des Néandertaliens classiques et qui va n'échanger aucun gène avec les Néandertaliens classiques pendant 50 millénaires, y compris avec des individus qui sont localisés à quelques encablures de la grotte Mandrin. Ça pose des interrogations très frontales et très directes sur ce que fut Néandertal et sur les processus de son extinction. Justement, 50 000 ans d'isolement génétique, c'est absolument gigantesque. Cet isolat peut-il être une explication, peut-être une des clés pour comprendre la fin de ces lignées humaines de Néandertaliens? Le livre « Le dernier Néandertalien » a un sous-titre qui s'appelle « Comprendre comment meurent les hommes ». Et c'est pas « Comprendre comment meurt Néandertal ». C'est Néandertal, bien sûr, mais la deuxième partie du livre se confronte à la pensée et essaie d'imaginer et de schématiser, de se confronter à ce que représente une extinction d'humanité pleine et entière. Comment meurent les hommes, c'est aussi comment meurt Sapiens. Et la question, c'est comment est-ce que on a toujours vu... Si vous voulez, si on prend les schémas classiques, on a vu des volcans, des changements climatiques, des épidémies, bim bam boum. Et très clairement, ça marche pas comme ça. Peut-être que les effondrements de sociétés peuvent fonctionner comme ça, mais les extinctions d'humanité, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui est certainement le nez au milieu du visage et qu'on a raté, et qui est d'abord... On en parlait au début de l'émission, ce que fut Néandertal et sa manière de concevoir le monde. Et peut-être plus dur à déterminer, c'est ce qu'est Sapiens. Et nous, notre manière de concevoir ce qu'est la réalité du monde. Ce qui est très probable, c'est quand deux humanités radicalement différentes se rencontrent et que l'une d'elles, je ne dis pas est supérieure, pas du tout. Je pense que Néandertal est remarquable, mais que l'une de ces populations-là est objectivement plus efficace. Car Sapiens, en fait, il y a dans sa standardisation, dans sa volonté de faire tous ensemble la même chose, on a une efficacité objective. Et il est probable que quand des sphères, ce que j'appelle les sphères dans le dernier Néandertalien se rencontrent, ça nous permet de repenser ça, l'humain. Quand des sphères radicalement se rencontrent, on a des déstabilisations en domino dans le mental même et dans l'imaginaire même des humanités. Et je pense que les humains vont s'effondrer sur eux-mêmes. Sans un bruit, en silence, je donne l'image de T.S. Eliot, in a whisper, dans un murmure. Et je pense que c'est comme ça, des humanités rencontrant d'autres humanités voient des formes d'elles-mêmes qui sont beaucoup plus efficaces et vont s'effondrer finalement sur elles-mêmes. Vous avez regardé bien sûr Jared Diamond, Effondrement, son fameux livre, Collapse. Moi j'y ai immédiatement pensé au hic. Je ne sais pas si vous connaissez les HIC en Ouganda, qui sont une société qui va fondre elle-même. Parce qu'elle n'a plus de repères. Oui. Elle ne chasse plus. Et tous les symboles vont disparaître. Et ça, on le rencontre. Est-ce que ça pourrait être comme ça? Oui, on le rencontre, mais ça nous dit bien plus que c'est pas simplement des questions d'organisation technique, c'est bien plus profond. Ce sont non seulement les structures sociales, mais les équilibres mentaux des populations, ce qui fondait leur vision de la réalité du monde qui s'effondre sur eux-mêmes. Et on le voit dans les Amériques, c'est atroce ce qui se passe là-bas, on le voit dans la forêt amazonienne, on le voit en Afrique, et on voit ces populations qui se liquéfient et qui ne croient plus dans ce qui faisait la valeur et la nature de leur manière de concevoir le monde. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans la Grotte Mandin, c'est que Néandertal et nous, Sapiens Sapiens, se sont côtoyés. Ils se sont côtoyés, on le sait parce qu'effectivement on a transgressé le temps à Mandrin grâce à des analyses sur l'analyse de suie. C'est une méthode qu'on a inventée, 12 ans de travail, les travaux de Ségolène Van de Velde qui a fait sa thèse sur la grotte Mandrin, sur des éléments que j'avais découverts en 2006, des milliers de restes de suie. En analysant ces suies, on passait de la résolution du carbone 14 qui était à plus ou moins 1000 ans pour ces périodes à la résolution de la suie qui était de plus ou moins 6 mois. Et là, à plus ou moins 6 mois, on voit la rencontre des deux populations et on peut commencer à verbaliser ce que fut la rencontre de ces deux humanités. Vous êtes à combien d'années grâce à l'étude de ces suies? À quelques années, à 6 mois près? Alors, on est à plus ou moins 6 mois et c'est plus ou moins 6 mois qui semblent bien séparer le dernier feu néandertalien dans la grotte du premier feu sapiens. Ce plus ou moins 6 mois inclut le temps zéro possible dans la grotte. Et il faut replacer ça dans les territoires de ces populations qui nous sont bien connues, qui représentent à peu près 80 à 100 kilomètres dans toutes les directions autour de la grotte. Et donc, on sait que ça représente des milliers de kilomètres carrés en réalité. Et donc on sait qu'à ces échelles-là de leur territoire, ces deux populations, et c'est la première fois qu'on peut l'affirmer, ces deux populations sont ensemble à un endroit donné, et on semble bien mettre le doigt dans le livre et à Mandrin sur le contact et ce qu'il signifie. Justement, que Sapiens ou Néandertal ont-ils appris l'un de l'autre dans la grotte Mandrin? Eh bien, on a toujours supposé que le rencontre des deux populations avait amené, Sapiens avait amené la lumière à Néandertal. Et quand on a enfin une résolution à plus ou moins 6 mois, on s'aperçoit qu'on a effectivement ces processus de transmission de connaissances et on semble bien les avoir, non pas de Sapiens vers Néandertal, mais de Néandertal vers Sapiens, et en particulier dans la connaissance très précise de ces terroirs, de ces silex qui sont exploités par ces nomades néandertaliens et Sapiens, qui vont être exactement les mêmes ressources de silex, alors qu'on a 12 niveaux à la grotte Mandrin. Dans chaque niveau, c'est différent en fonction des cultures. Il y a 2 niveaux qui sont les mêmes. Pour des productions très différentes. Ce sont les néandertaliens et les Sapiens sur des productions radicalement différentes qui vont s'inscrire exactement de la même manière dans le territoire. Ça laisse entendre de bonnes relations et des relations très étroites entre les deux populations. Ludovic Slimak, un grand merci. Donc, le titre de votre dernier livre, publié chez Odile Jacob, Le dernier néandertalien. À lire, c'est passionnant. Carbone 14 était réalisé par Louise André, à la technique Amandine Frichou, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.